إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلازلنا مع كتابنا العلم فضله وشرفه، وهذا كتاب الذي جمع في كلام ابن القيم رحمة الله عليه في بيان فضل العلم وشرفه. فقد وصلنا إلى وجه 64 بعنوان شرف العلم تابع لشرف المعلوم. Donc nous sommes arrivés avec notre livre العلم فضله وشرفه، un livre compilé de paroles d'Ibn al-Qayyim رحمه الله au sujet des vertus et des bienfaits de la science. Et nous sommes arrivés au point 64. Donc l'honorabilité de la science suit l'honorabilité de ce qu'il y a dans cette science, de ce que comprend cette science. وَهُوَ أَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ تَابِعٌ لِشَرَفِ مَعْلُومِهِ. Car, certes, donc l'honorabilité de la science suit l'honorabilité de ce que comprend cette science. ولأفوق النفس بأدلة وجوده وبراهنه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفح بها. Et du fait que le cœur sera apaisé par les textes qui sont présentes, ainsi que ses preuves évidentes, et du besoin qui est fort dans la connaissance de cette science. Et aussi, selon l'énorme bénéfice que comprend cette science. Donc plus la science sera bénéfique, plus elle sera bien sûr honorable. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين قيوم السماوات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. Donc il n'y a pas de doute que la science la plus illustre et la plus importante, la plus grande, c'est Allah, celui dont il n'y a de Dieu, dont il n'y a de Dieu que lui, le Seigneur des mondes, celui qui a créé les cieux et les terres, hein, et les deux terres, le roi véridique, clairement. Donc c'est le roi en toute vérité, celui qui est doté de tout ce qui est complet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a et possède les attributs les plus complètes. Et il est aussi exempt et innocenté de tout défaut ou de tout manquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, est innocenté de tout ce qui pourrait être semblant ou égal dans tout ce qui est complet. Il n'y a pas de doute non plus. وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَجَلُّ الْمَعْلُومِ أَجَلُّ الْعُلُومِ وَأَفْضَلُهَا وَنَسَبَتُهُ إِلَى سَائِرِ الْعُلُومِ كَنَسَبَةِ مَعْلُومِهِ إِلَى سَائِرِ الْمَعْلُومَاتِ وَكَمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ أَجَلُّ الْمَعْلُومِ الْعُلُومِ وَأَشْرَفُهَا فَهُوَ أَصْلُهَا كُلِّهَا كَمَا أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فَهُوَ مُسْتَنَدٌ فِي وُجُودِهِ إلى الملك الحق المبين المفتقر إليه في تحقق ذاته وأينياته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقرة في تحقيق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومالكه وموجده. Il n'y a pas de doute aussi que la science des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses actes, est la meilleure des sciences, hein, et la plus illustre et la meilleure des sciences. Car sa position en vie ou vis-à-vis des autres sciences est comme la position d'Allah vis-à-vis de toutes les autres sujets à connaître. Donc la position de la science des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est supérieure du fait que l'on parle d'Allah. Comme Allah est supérieur à toute chose, à tout ce qu'on va connaître et tout ce qu'on va savoir, donc la science de la connaissance d'Allah est supérieure aux autres sciences. Le fait que Allah, parce que c'est le ma'loum, Allah là c'est ce qu'on appelle le ma'loum, ce que comprend la science. Non, c'est Allah. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est supérieur et plus illustre est plus important, donc sa science est la plus importante. Comme aussi, donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des sciences les plus importantes, des plus honorables, car elle est bien sûr l'origine de tout. Donc le fait qu'on parle d'Allah, c'est déjà ce qui est le plus important. Le fait qu'aussi c'est l'origine de tout. Et aussi, que toute chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose qui existe, hein, toute chose que l'on voit, toute existence, revient à Allah subhanahu wa ta'ala, revient à sa royauté qui est véridique et clairvoyante et claire. Et toute chose a besoin, toute chose est quoi? Donc est appauvrie et a besoin réellement, donc d'un besoin qui est réel d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de bien sûr de pouvoir revient tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi toute science suit donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et a besoin encore une fois aussi, bien sûr, de cette science afin de pouvoir se réaliser, se concrétiser comme il le faut. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'origine de toute science. Comme il est subhanahu wa ta'ala le seigneur de toutes choses, donc celui qui possède et celui qui a bien sûr aussi fait naître, fait vivre toutes ces choses-là. Voilà, raïba anna kamal al-ilmi bisababi al-tam. وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بعلة التمة معرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلومه وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد الموصوف إلى صانعه أو المصنوع عفوا استناد المصنوع إلى صانعه ومفعول إلى فاعله. Donc il n'y a pas de souci que la science complète, donc kamal al-ilm bisabab tam, donc c'est la science qui est complète, c'est justement la cause de quelque chose qui est complet, hein. Donc c'est une cause qui est complète, car le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donc est quoi? Donc c'est la cause de quoi? Donc cette cause de ce que du fait que cette science elle sera bien sûr complète. La science complète, donc celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle va être complète, cette science. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le Moussabib, c'est lui qui est la cause de quoi? Donc de cette science, c'est le résultat de cette science, et c'est pour ça que cette science est complète. Comme aussi, donc c'est aussi bien sûr une phrase qui est en vérité le synonyme par rapport à après. Lorsqu'il parle de l'illa, c'est la même chose aussi, c'est toujours du sujet qu'on va parler. Donc, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, bien sûr, demande aussi une connaissance aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute chose qui est présente, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, revient au fait que Allah subhanahu wa ta'ala, donc revient à quoi? À Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme donc ce qui est créé, hein, donc la créature revient au créateur. Ce qui est fabriqué revient à celui qui l'a fabriqué. Ce qui est créé revient au créateur. Et aussi celui qui fait la chose revient, hein, bien sûr, donc ce qui a été fait revient à celui qui l'a fait. Ce qui a été fait revient à ce qui a été fait. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه. Donc la science de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, ses actes, demande obligatoirement la science, hein, donc va faire naître le, c'est-à-dire de ce qui est autre. فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه. Car Allah en lui-même, en son essence, c'est Le Seigneur de toutes choses est aussi son possesseur. C'est lui le roi de toutes choses. C'est lui qui possède toutes ces choses-là. والعلم به أصل كل علم منشؤه ومنشؤه فمن عرف الله عرف ما سواه. Car la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'origine de toute chose et aussi le départ. De là naît toute chose. Car, donc, celui qui connaît Allah connaît ce qui est autre qu'Allah. Celui qui connaît Allah, il connaît ce qui en découle. وَمَنْ جَاهِلَ رَبَّهُ فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَجْهَلُ. Et celui qui ne connaît pas Allah, donc, sera encore plus ignorant de ce qui est autre. De ce qui est autre. فَقَالَ تَعَالَى dans Sourate Al-Hashr, verset 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَسَوُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Hashr verset 19, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et se sont oubliés eux-mêmes. Donc l'origine du fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont oublié Allah. Donc là on voit dans ce verset que فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه. Donc celui qui médite sur ce verset remarquera qu'en dessous de ce verset, il y a bien sûr un sens qui est illustre, un sens qui est honorable, illustre, c'est que celui qui oublie son Seigneur sera oublié lui-même, aura oublié, il sera bien sûr oublié lui-même. فَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ وَلَمْ مَصَالِحَهُ. Il ne se connaîtra pas réellement et ni ce qui serait bien pour lui. Masalihahu, tout ce qui est bien pour lui. Bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Mais plutôt il aura oublié. Donc il aura oublié ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire ce qui va l'arranger, ce qui va faire sa réussite dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. فَصَرَ مُعَطِّلًا مُهْمَلًا بِمَنْزِلَةِ الْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ. Et il fera donc, il sera de la position, donc il va être vide. Al-Mu'attil, donc c'est celui qui est dénué de quelque chose. Donc il sera dénué de tout ce qui est bon à kulli hal. Et aussi, bien sûr, il va être de ceux qui sont insouciants, de ceux qui vont délaisser les choses. Et il sera aussi du niveau des, bien sûr, des bestiaux qui n'ont pas de aql. Des bestiaux qui n'ont pas de aql. بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. Et des fois, on voit que les animaux donc savent mieux ce qui est meilleur pour eux. L'animal, il sait ce qui est bon pour lui, naturellement. Afin de pouvoir, bien sûr, rester, afin de pouvoir vivre une vie normale, afin de pouvoir rester de ce que, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala l'a, bien sûr, c'est-à-dire guidé dans sa fitra. Allah l'a façonné de telle façon à ce que elle œuvre, que cet animal l'œuvre, selon la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا هَذَا فَخَرَجَ عَنْ فِتْرَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا. Mais par contre, donc celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala sera sorti de sa nature pour laquelle elle a été créée. فَنَسِيَ رَبَّهُ. Il a donc oublié son Seigneur. فَأَنْسَاهُ نَفْسَهُ وَصِفَاتِهَا. Donc il a oublié, donc il, hein, donc il a oublié, il s'est oublié lui-même et a oublié comment il est, hein, qui il est, comment il est. Il a oublié, bien sûr, ses attributs et ses caractéristiques. وَمَا تَكْمُلُ بِهِ وَتَسْكُو بِهِ وَتَسْحَدُ بِهِ فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا. Elle a oublié ce qui va le compléter, ce qui va le purifier, ce qui va le rendre heureux dans sa vie d'ici-bas et dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. فَقَالَ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَأَمْرِهِ فُرُطًا. Surat al-Kahf, verset 28. Surat al-Kahf, verset 28. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, et n'oublie pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Surat al-Kahf, verset 38. فَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَانْفَرَتَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَقَلْبُهُ. Donc il s'est discret, donc il a été inattentif et distrait du rappel de son Seigneur. Jusqu'à que, bien sûr, cette personne-là a quoi ? Bien sûr, son cœur, hein, et son cas, bien sûr, ont été, en fin de compte, il a été outrancier dans le sens où il s'est oublié lui-même. Donc il a fait, donc il a justement commis un excès qui l'a amené à cet oubli. فَلَا الْتِفَاتَ لَهُ إِلَى مَصَالِحِهِ وَكَمَالِهِ وَمَا تَسْكُو بِهِ نَفْسُهُ وَقَلْبُهُ. Et cette personne-là donc ne va pas se diriger vers ce qui est bon pour lui, vers ce qui va le rendre complet, ce qui va le purifier, c'est-à-dire ce qui va purifier et son âme et son cœur. بَلْ هُوَ مُشَتَّتُنَ الْقَلْبِ مُدَيَّعُهُ. Et celui-là donc aura le cœur qui sera éparpillé, il va avoir le cœur éparpillé, donc il va suivre ses passions. Les passions, elles sont nombreuses, elles se multiplient, et là, des fois elles ne s'arrêtent plus. Une passion amène à une autre, ça ne s'arrête plus. Il va se perdre, il va être perdu. La yahtadi sabila. Donc il va être, bien sûr, il va ne pas connaître la voie. Il ne veut pas connaître la voie. Wal maqsoud anna al-ilma billahi aslu kulli ilmin wa huwa aslu ilmi al-'abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratuhu. Wal jahlu bihi mustalzimun al-jahli bi nafsihi ومصالحها وكمالها وما تزك به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته. Donc le vouloir dire de ce point, c'est que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'origine de toute science. Et l'origine de la science de son serviteur, s'il veut bien sûr, afin qu'il acquérisse le bonheur, afin qu'il soit aussi, donc afin qu'il complète ces choses-là, et afin qu'il complète aussi ce qui va l'arranger, ce qui va être bien pour lui dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala va amener obligatoirement, et va faire naître obligatoirement l'ignorance de soi-même, de ce qui est bon pour lui, de ce qui va le compléter, et de ce qui va le purifier, et de ce qui va le rendre heureux, de ce qui va faire qu'il sera bien sûr sain et sauf de tout ce qui est mauvais. Donc la science d'Allah, c'est justement, donc la science d'Allah, c'est le bonheur pour le serviteur. Et son ignorance, c'est l'origine. L'ignorance d'Allah, c'est l'origine de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui va amener à son malheur et à son péril. وَيَزِيدُهُ إِضَاحًا. Et la science, bien sûr, donc elle va le quoi ? Lui faire meilleur comprendre. La science, ça va lui faire comprendre soit beaucoup plus de choses. Ça sera wadah pour elle, ça sera clair. Il aura une meilleure clairvoyance. Il aura une clairvoyance. El wajhu el khamis 65e point. El ilmu wa tawhid. La science et l'unicité. Annahu la shay'a atyabu lil abdi wa la aladhu wa la anha'u wa la an'amu li qalbihi wa aishihi min muhib min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dhikrihi wa sa'yi fi mardatihi. La science et l'unicité. Il n'y a pas de meilleur, donc il n'y a pas de chose qui sera meilleure pour le serviteur, ni de plus délicieux, ni de plus doux et de tendre, et ni de plus donc aussi gracieux pour son cœur, pour sa vie, que le fait d'aimer celui qu'il a créé. Aimer. Donc là, on voit donc c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'origine de l'adoration. Asl l'ibadah, ou le pilier le plus important dans l'adoration, c'est le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne vas pas arriver à aimer Allah subhanahu wa ta'ala que si tu le connais, que si tu as œuvré pour le connaître, bien sûr en connaissant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il veut dire par là, ce que ces noms signifient, ce que ces noms et ses attributs signifient. Donc celui qui l'a créé, et aussi donc par cette science, donc on va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut aussi donc pour arriver à cela, donc se rappeler, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, et aussi de s'empresser, donc les sa'i. Sa'i, c'est le fait d'aller rapidement, donc de s'empresser à aller vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَدَا هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا كَمَالَ لِلْعَبْدِ بِدُونِهِ. Et cette complémentarité, cette chose qui sera complète, elle ne sera pas pour le serviteur sans cela, sans ce qu'on a vu auparavant. وَلَهُ خُلِقَ الْخَلْقِ. Et c'est pour cela que la créature a été créée, que la création est donc existante. وَلِأَجْلِهِ نَزَلَ الْوَحْيُ. Et c'est pour cela que la révélation a été descendue. وَأُرْسِلَتْ الرُّسُلُ. Et les envoyés sont venus. وَقَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Et ont été établis les cieux et la terre. وَأُوجِدَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. Et sont présents et existent le paradis et l'enfer. وَلِأَجْلِهِ شُرِعَتْ الشَّرَائِعُ. Et c'est pour cela que les statuts, les légiférations, bien sûr, existent. Donc les lois religieuses. وَأُدِّعَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ. Et c'est pour cela que le Bayt al-Haram à Mecca, hein, le Kaaba, a été donc posé. وَوَجَبَ حَجُّهُ عَلَى النَّاسِ إِقَامَةً لِذِكْرِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ تَوَابِعِ مَحَبَّتِهِ وَرِضَى بِهِ وَعَنْهُ. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire de faire le Hajj, donc d'aller faire le pèlerinage pour les gens, donc afin de quoi? De faire revivre, afin de mettre en application le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont l'évocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui va suivre, ce sont ceux qui va découler de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'accepter, hein, le fait d'agréer d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le hajj, dans la langue arabe, ça veut dire al-qasd. Al-hajj, ça veut dire al-qasd. Donc c'est la niya. Al-hajj, ce qui veut dire al-qasd, fait l'aura. La niya. وَلِأَجْلِ هَذَا أُمِرَ بِالْجِهَادِ. Et c'est pour ça que les combats ont été ordonnés. وَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُ مَنْ أَبَاهُ وَأَثَّرَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ وَجُعْلَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ دَرُ الْهَوَانِ خَالِدًا مُخَلَّدًا. Et c'est pour cela que les combats donc ont existé, pour ceux qui ont bien sûr renié cela, et que ceux qui ont renié cela, bien sûr, vivront dans la maison ou dans la demeure de l'avilissement, qui est Nar, donc qui est le feu, bien sûr, éternellement. وَعَلَى هَذَا الْأَثْرِ الْعَظِيمِ aussi c'est le Milla. Et à partir de cela, bien sûr, la communauté a été bâtie. Donc la communauté musulmane n'est venue que après. Hein, bien sûr, la communauté musulmane, elle est venue et elle a été donc confortée, elle a été jointe, elle a été rassemblée que par justement ces textes-là. وَنُصِبَتْ الْقِبْلَةُ. Et la Qibla a été aussi placée, donc pour un but qui est bien précis. On voit qu'on a tout le temps affaire à des intérêts qui sont communs, ou à des quoi, des choses qui vont unifier les gens. Tout ça, c'est des sha'air. Donc c'est des choses qui sont importantes, c'est des points importants de l'islam qui vont unifier les gens. وَهُوَ قُطْبُ رُحِ الْقَلْقِ وَالْأَمْرِ. Et c'est donc c'est l'origine, ou bien c'est le cœur, ou bien c'est donc le fait que quoi, que c'est ça, c'est pour cela, donc que tout a été créé, tout a été ordonné. C'est-à-dire, bien sûr, cette adoration. Alladhi madaruhuma alayhi wa la sabila ila ad-dukhul ila dhalika illa min bab al-'ilm. Et c'est pour cela que donc cette création et cet ordre tournent autour de cela. Et cette création et cet ordre, tout cela ne sera pas, il n'est pas possible de comprendre cela, hein, il n'est pas possible d'arriver à ce résultat que par la porte de la science. فَإِنَّ مَحَبَّةَ شَيْءٍ فَرْعُونَ عَنْ الشُّعُرْ بِهِ. Donc, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien l'amour de quelque chose, est le découlement de ce qu'on ressent sur quelque chose. On aime quelqu'un parce qu'on ressent quelque chose pour lui. Hein? Donc on aime Allah parce qu'on ressent justement quelque chose pour lui. On a peur, on l'aime, on a peur de lui, on a ceci. Et ça, c'est ce qui va amener la personne à l'adoration. Et ceux qui connaissent les serviteurs, ou la créature, ou la création qui connaît mieux, la créature qui connaît mieux Allah, hein, qui connaîtra mieux Allah, est celui qui va l'aimer le plus. فَكُلُّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ. Chaque être qui aime Allah, qui connaît Allah, chaque être qui connaît Allah l'aime. وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهِمْ. Et celui qui connaît, donc la vie d'ici-bas, dunya, va quoi? Va justement délaisser cela. Il va délaisser. Yazhud. Donc il va délaisser cela, il va être, c'est-à-dire dans l'ascétisme de ce qu'il devrait faire à l'origine. فالعلم يفتح الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. Donc la science ouvre la porte qui est illustre et énorme de ce qui est en vérité le secret de quoi? De la création et de l'ordre. Donc Allah a créé, Allah aussi a ordonné. الوجه السادس والستون. وعليكم السلام ورحمة الله. 66e point. Al-ilmu aqrabu turuqi ila a'zami al-ladhat. La science est la voie la plus proche pour arriver à ce qui est de plus délicieux. Pour arriver à quoi? À ce qui est de plus délicieux. Anna ladhat al-mahboubi tad'ufu wa taqwa bihasabi quwwati al-hubbi wa da'fihi. Donc certes, le délice de l'amour envers quelqu'un, le mahboub, de celui qui est aimé, va donc être multiplié et se renforcer selon donc la force de l'amour ou bien sûr selon la faiblesse de l'amour. Donc plus tu vas aimer Allah, plus tu vas plus justement tu vas goûter à ce délice de cet amour. Moins tu vas aimer Allah, moins tu vas goûter au délice de cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَقْوَى كَانَتْ لَذَّةُ أَعْظَمُ. À chaque fois que cet amour sera plus fort, à chaque fois ce délice sera plus illustre et plus énorme. وَلِهَذَا تَعْظُمُ لِذَّةُ ذَمَّانِ بِشَرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ بِحَزْبِ شِدَّةِ طَلَبِهِ لِلْمَاءِ. Et c'est pour cela que la personne qui a très soif, lorsqu'elle boit de l'eau, fraîche, plus elle aura soif, plus elle aura quoi? Un plaisir à boire cette eau. Imaginez-vous quelqu'un qui a à peine soif, il boit. Juste, on va dire, il a à peine soif, il boit par principe maintenant. Mais quelqu'un qui a eu donc une soif qui était forte, donc lorsqu'il va boire cette eau, il va quoi? Il va se faire plaisir. Ça sera donc pour lui un délice. Donc il va plus rechercher cette eau et va plus avoir de délices. Et ça, c'est la même chose avec celui qui aime Allah. Plus il aime Allah, plus quoi? Il aura de délices à rencontrer Allah, c'est-à-dire à le connaître par ses noms et attributs. وَكَذَلِكَ الْجَائِعِ. Et c'est la même chose pour celui qui a faim. وَكَذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا كَانَتْ لَذَّتُهُ عَلَى قَدْرِ حُبِّهِ إِيَّهِ. Et aussi, pour celui qui aime quelque chose, donc son délice sera selon comment il aime cette chose-là. Imaginez-vous quelqu'un qui aime n'importe quel fruit, مثلا, la mangue. Il aime la mangue. Donc plus il aime la mangue, plus pour lui c'est un plaisir que pour celui qui sera à côté de lui et qui aime moins cette mangue. L'autre, il va la manger, on va dire normalement, mais lui, il va la manger avec un plaisir qui sera plus grand. وَالْحُبُّ تَابِعٌ لِلْعِلْمِ بِالْمَحْبُوبِ وَمَعْرِفَةِ جَمَالِهِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Donc, l'amour suit la science de celui qui est aimé et de sa connaissance, donc de ce qui est beau, de sa beauté, qui est bien sûr apparente et voyante. فَلِذَّةُ النَّظَرِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ لِقَائِهِ بِحَزْبِهِ قُوَّةِ حُبِّهِ وَإِرَادَتِهِ. Et aussi, donc là on voit que ça c'est pour ceux qui sont au paradis, c'est que le délice de la vue d'Allah et de sa rencontre sera selon la force de son amour et de le vouloir, bien sûr le rencontrer, le fait de désirer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que les gens du paradis sont en degrés différents. Donc plus les gens sont élevés au paradis, plus ils auront ce plaisir de voir Allah que ceux qui sont en dessous. Donc déjà, il y a déjà un plaisir énorme, parce qu'il n'y a pas mieux que cela, hein, fait le Jannah. Il n'y a pas meilleur délice que le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Mais plus les gens seront élevés en degré, et plus les gens en profiteront du délice, parce que les délices seront différents. Hein, les grâces qu'il y a au paradis et les délices seront différentes. C'est-à-dire que pas tout le monde aura la même chose. On sait que le plus bas du paradis, c'est pas comme le Firdaus, c'est l'A'la. وذلك بحسب العلم به وصفاته وبصفات كماله. Et cela va se produire selon la science en Allah, le fait de connaître Allah, donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs qui sont complètes. فإذن العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم الذات. Donc le résultat de tout cela, c'est que la science sera la voie la plus proche pour obtenir la meilleure, hein, et la plus illustre et la plus énorme, quoi, le plus énorme délice, le délice qui est justement le fait de, donc justement, hein, de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le connais bien, fait dunya, tu auras le bon plaisir, hein, le meilleur plaisir de quoi, de le voir fait akhirah. Donc regarde, est-ce qu'il y a le meilleur, la meilleure science, et encore, donc ça c'est la meilleure chose que tu fais dans la vie d'ici bas et la meilleure chose que tu auras aussi dans l'au-delà. C'est lié, c'est toujours. Donc le lien, c'est quoi la liaison? C'est quoi? C'est que c'est meilleur et c'est meilleur. الوجه السابع والستون افتقار الموجودات إلى العلم. 57e point. Donc tout ce qui est présent a un besoin réel de la science. Tout ce qui existe, toute l'existence a besoin réel de la science. أن كل ما سوى الله muftaqirun ila al-ilm. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah a réellement besoin de quoi? De cette science. La qiwama lahu bidunha fa inna al-wujuda wujdan wujudan. Car donc là, ces choses-là ne seront pas établies réellement, hein, de sur sans cela, sans cette science, et que il y a aussi là deux choses d'établissement, ou bien deux types d'existence, on va dire, deux types d'existence. Ujud al-khalq, donc le fait que l'existence de la création est ujud al-amr, l'existence de l'ordre. Wal khalqu wal amru masdaruhuma ilmu rabbi wa hikmatuhu. La science et l'ordre, leur origine sont la science de notre Seigneur et sa sagesse. Hein, c'est la science de notre Seigneur et sa sagesse. L'âme a à avoir a un lien avec le hikmah, avec la sagesse. فَكُلُّ مَا ضَمَّهُ الْوُجُودُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. Donc tout ce qui comprend et comporte cette existence, parmi ces créatures et parmi aussi l'ordre, donc reviennent, hein, ont comme origine sa science et sa sagesse. Tout cela va revenir à la science et à la sagesse. فَمَا قَامَتْ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْعِلْمِ. Donc les cieux et la terre n'ont pas été créés, n'ont pas été façonnés, établis, que, et tout ce qu'il y a aussi entre eux, les cieux et la terre, que par la science. Que par la science. ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم. Et les envoyés, donc, hein, donc les prophètes n'ont pas été envoyés et les livres n'ont pas été descendus que par la science. ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم. Et Allah n'a pas été adoré seul, il n'a pas été loué et n'a pas été aussi, c'est-à-dire vanté ou loué. Il n'a pas été glorifié que par la science. Wala urifa al halal min al haram illa bil ilm. Et on n'a pas connu le licite de l'illicite que par la science. Wala urifa al fadl al islami ala ghayrihi illa bil ilm. Et on n'a pas connu les valeurs de l'islam prédominantes vis-à-vis des autres religions que par la science. Wa ikhtulifa huna fi mas'alatin. وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية. قال الطائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء سبب في وجود المفعول، فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته، ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. قال الطائفة هي انفعاليون، فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو، فإن العالم يدرك المعلومة على ما هو به، فإدراكه تابع له، فكيف يكون متقدما عليه؟ والصواب أن العلم قسمان. Donc il y a eu chez les ulama donc une divergence par rapport au fait que est-ce que la science est une donc un attribut qui est actif, un attribut qui est dans le fait dans le domaine de l'acte, ou bien dans celui qui subit, donc qui va être en fin de compte donc subir l'acte, qui est en fin de compte infi'ali, qui est donc celui qui va subir justement. Donc est-ce que c'est un attribut qui est actif ou celui qui subit? Donc certains ont dit qu'il était actif, le fait que c'est cette science qui a été donc la cause de quoi? De ce qui est connu. La science est donc la cause de ce qui est fait, la cause de ce qui a été connu. Donc dans la science, la connaissance est la cause de ce qui est connu. Car l'acte qui a été choisi, qui a été fait, donc demande quoi? Demande automatiquement que celui qui commet cet acte soit vivant. Et donc de la science et la connaissance de ce qu'il fait, et la capacité de ce qu'il fait, et aussi et la volonté. Donc on ne voit pas comment cette science, c'est-à-dire cette existence de cet acte, sera connue que si il a, si bien sûr, cette science n'est pas justement ce qu'on appelle une sifal fi'liya, donc un acte qui a été fait. Et un autre groupe dit que c'est une fi'ali, dans le sens où ça va suivre, dans le sens où cette science suit ce qui est ma'loum, donc ce qui est connu. Suit, et c'est un soubassement de ce qui est connu. Il va venir après, il va engendrer. Il sera l'engendrement de ce qui est connu. Et il y aura aussi un lien entre ce qu'il y a, donc c'est-à-dire car le savant connaît ce qui est, c'est-à-dire cette science connaît, el ma'loum, c'est ce qui est connu par rapport à cela. Donc, idrakuhu, le fait de voir et le fait d'avoir la vision de cela, c'est justement, va suivre après la science, vient après. Donc, idrak, elle vient après cette science. Donc, en fait, par rapport à cela, donc, bien sûr, encore une fois, on a encore un sujet qui est un petit peu difficile, donc c'est que cette science, bien sûr, elle est divisée en vérité en deux. Donc, elle sera divisée en deux. علم فعلي وهو علم فاعل المختلط بها يريد أن يفعله فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به. Dès que cette science, donc de celui qui commet cet acte, de celui qui fait ou celui qui va commettre ce qui est dans cette science, il a choisi donc cela, il a voulu cela, il a voulu faire cela, donc il a quoi? Il s'est arrêté à sa volonté, qui est justement par le fait d'avoir eu la vision, ou par le fait d'avoir eu la vision de quoi? De sa volonté et de sa science de cette chose-là. فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه. Donc là on a la science avant l'acte, et bien sûr la science ça va prédominer selon l'acte. Donc il faut que c'est la science qui va quoi? Qui va avoir de l'influence. Elle va influencer l'acte. وعلم انفعالي هو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه. Là, c'est la science, donc l'infi'ali, c'est la science qui va suivre ce qui est connu, donc c'est le ma'loum, donc ce qui est connu, et elle n'aura pas d'impact sur cela. كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات. Comme le fait de, c'est-à-dire de connaître, de savoir qu'il y a eu des prophètes, de savoir qu'il y a eu des communautés avant nous, des royaumes, et bien sûr tout ce qui existe. Le fait qu'on le connaisse, c'est pas quelque chose qui va avoir, ça va pas avoir justement d'impact par rapport à cette science. فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَا يُؤَثِرُ فِي الْمَعْلُومِ وَلَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ. Car cette science n'est pas une condition pour ce qui est à connaître. Dans le sens où c'est des choses qui sont passées, maintenant, je veux dire, si tu sais qu'il y a eu certaines choses, ça va pas, je veux dire, être une condition pour, hein, justement, par pour ce que tu veux faire, mathalan. فَكُلُّ مِنَ الطَّائِفَةٍ نَظَرَتْ يَنِ جُزْئِيًا وَحَكَمَتْ كُلِّيًا. Donc chacun des deux groupes là a vu qu'une partie de la chose et bien sûr a jugé, c'est-à-dire dans toute sa globalité de cette chose là. وَهَذَا مَوْضُوعٌ يَنِ يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكُلَ الْقِسْمَانِ مِنَ الْعِلْمِ صِفَةُ كَمَالٍ وَعَدَمُهُ مِنْ أَعْظَمِ النَّقْصِ. Et ça c'est un sujet justement où beaucoup de gens font des erreurs, donc apparemment que justement le fait de parler de cela, ça a amené à beaucoup de gens dans l'erreur. Et qu'en vérité, donc dans ces deux sens, dans ces deux points-là, c'est que la science, donc dans ces deux parties-là, c'est que la science est un attribut qui est complet. Et le fait que la science n'existe pas, donc ça sera justement parmi les manquements les plus importants. وَيُوَدِّحُهُ الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَسِتُّونَ الْعِلْمُ وَفَضْلُهُ وَبَيَانُهُ مدارك نعم وبيان مداركه. Donc العلم وفضله وبيان مداركه. La science, ses bienfaits et aussi l'éclaircissement de ses étapes, hein, l'éclaircissement de ces étapes, comment on va justement les comprendre. أن فضيلة شيء تعرف بضده. Certes, la valeur de quelque chose est connue par son contraire. La valeur de quelque chose va être reconnue par son contraire. فَضِدُّ يُظْهِرُ حَسَنَهُ ضِدُّ وَبِدِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Donc le contraire va faire justement donc montrer le bienfait de son contraire, hein, c'est-à-dire la beauté de son contraire, car par le contraire les choses sont montrées. Le savant, son contraire c'est l'ignorant. Donc le savant c'est quelque chose de bien, c'est beau, hein, la science c'est beau, l'ignorance c'est quoi? C'est pas beau, c'est laid. Hein, c'est qabih. Il n'y a pas de doute que l'ignorance est l'origine de toute turpitude ou bien toute criminalité ou bien toute chose qui va dépérir. Et tout mal, tout tort qui va toucher le serviteur dans sa vie, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, sera le résultat de son ignorance. Tout tort. Je vois qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, l'ignorance. Combien? C'est par exemple deux personnes, ils arrivent à divorcer 4, 5, 6, 7, 8 fois, 9 fois son épouse, et lui, il ne sait même pas. Il ne le sait pas. Combien de fois c'est déjà arrivé? Des gens qui ne savent pas, ils sont des ignorants, ils divorcent n'importe comment, ils croient que même, ils pensent que c'est un jeu, ils le disent ceci, ils le disent comme ça, en croyant que peut-être que le divorce n'a pas été prononcé. C'est un exemple. Il le sait même pas que c'est prononcé. Donc son ignorance va faire de lui qui sait quoi, qui vit encore avec une femme qui n'est pas licite pour lui. Et d'autres encore, et d'autres exemples qui sont des fois pires que cela. Wa illa famana al-ilmi famana al-ilm. Afwan, famana al-ilmi at-tammi bi anna hada at-ta'am mathalan masmum. Man akalahu qatta'a am'ahu في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. Ou sinon, donc la science. Donc celui qui possède la science qui est complète, donc je donne un exemple, par exemple avec la nourriture. Donc la nourriture qui sera empoisonnée. De la nourriture qui serait empoisonnée. Donc celui qui va manger cette nourriture aura donc les intestins qui vont s'arracher, hein, qui vont être découplés, à un moment qui sera bien délimité. Donc celui qui sait ça, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui sait ce que nourriture justement est comme ça, il ne va pas la manger. Il ne va pas aller vers elle. Et si on dirait qu'il aurait été la manger, si Qadar Allah il serait parti la manger, hein, parce que il a eu faim, ou parce qu'il en était pressé, hein, donc ou parce qu'il a voulu m'a fait mourir plus vite. Sanagrop l'aurait voulu me relever plus vite. Donc, il aura fait quoi? Il aura donc, parce que, donc, qu'est-ce qu'il a? Donc, il aura voulu, pour ça, c'est parce que lui, il aura recherché Mathanan, cela, dans le sens où il préférait cette mort-là. Donc, il a préféré la mort, hein, du poison que le fait que plutôt que de souffrir par la faim ou autre. Il a préféré s'empresser. Donc, c'est quelqu'un qui est moustadjil. Il préfère, hein, s'empresser d'aller Mathanan en enfer plutôt que de patienter par quelque chose qui sera macroche pour lui, par quelque chose qui va lui faire du mal, mais qui va être sain dans l'au-delà. Donc c'est la même chose, c'est comparable avec celui qui a de la science et celui qui n'a pas de la science. Celui qui va courir vers les péchés ou pas. Là, il s'empresse de prendre afin de mourir, Mathanan, plutôt que d'avoir faim. Et avoir faim, c'est comme si c'était la vraie voie. Il n'y a pas de nourriture, tu ne manges pas, hein, tu auras faim. Donc tu vas quand même souffrir. Et tu ne sais pas ce qui peut t'arriver après. Tu peux mourir. C'est Mathanan, il n'y a pas de nourriture. Tandis que la personne qui a mangé ce poison-là, encore, ou il va mourir rapidement, ou bien il va quoi? Ou bien il aura, ou il va mourir rapidement parce qu'il ne le savait pas, mais enfin c'est parce qu'il est ignorant, ou si il savait, mais il a quand même fait, hein, parce qu'il est moustadjil. Et là, de toute façon, il est quand même tombé dans le péché par rapport à cela. El wajhu et tasi'u wa sittun. 69e point, tafawut darajat fil ilm. Tafawut darajat fil ilm. La différence des donc les degrés de science sont différents. Non, les degrés de science sont différents. Donc pas tout le monde a le même niveau de science. أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنساني أعظم التفاوت يكون بين المخلوقين. فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من تفاوت ما بين خير البشر وشرهم. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala a placé des différences parmi les types de personnes, et de différences des fois qui sont bien sûr énormes. On voit qu'il y a des différences qui sont énormes entre makhlouqain, entre deux bien sûr créatures. Et des fois, on voit qu'entre deux personnes, il y a une différence qui est énorme. On peut voir, enfin, la meilleure des personnes, comme on peut voir à côté la pire des personnes. Allah subhanahu khalaq al malaikata uqulan bila shahawat. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges qui raisonnent et qui n'ont pas de shahawat, hein, qui n'ont pas de passion. Ils n'ont pas de passion. Al malaika, ils obéissent à Allah de tout ce qu'ils font. Mais pourtant, ils ont une passion. Ils ont une afouane, une raison. La preuve, parce qu'ils ont bien demandé à Allah, hein, lorsque tu vas créer celui qui va commettre la turpitude sur la terre et qui va aussi faire écouler le sang. Donc ils ont raisonné. Ils l'ont dit. Donc c'est une preuve qu'ils ont un aql. C'est pas dans le sens où c'est des robots qui y sont, ou c'est des, hein, tout simplement dans le sens qu'ils n'ont pas d'aql et puis ils obéissent à Allah, c'est-à-dire sans, bien sûr, sans réfléchir. Ils réfléchissent, alhamdoulilah, ils ont un aql, mais simplement ils n'ont pas de passion. Ces passions-là, bien sûr, les protègent de, justement, de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa al-hayawanat zawati shahawatin bila uqul. Subhanallah. Allah a créé, regardez comment Ibn al-Qayyim rahmahullah, il montre le contraire. Des animaux qui ont des passions sans avoir de raison. Non, mais ils ont des passions sans avoir de raison. Ça. Donc, ils ont la passion de. Ils ressentent toutes ces shahawat. Donc ils ont toutes ces passions-là. Wa khalaqa al-insana murakkiban min al-aqli wa shahawatin. Et il a créé l'homme qui a été donc composé de raison et de passion. Faman ghalaba 'aqluhu shahwatahu kana khalan min al-mala'ika. Donc celui qui aura fait prédominer sa raison à sa passion sera meilleur que les anges. Et ce waman ghalaba ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. Et celui qui aura fait prédominer ses passions à sa raison sera pire que les animaux. Donc regardez, ou mieux que les anges, ou pire que les animaux. Donc regardez la différence, elle est trop loin. Hein, il y a une différence qui est énorme. Ou meilleur que les anges, ou pire que les animaux. وفاوت سبحانه بينهم في العلم. Et bien sûr, il a donc mis des différences entre eux, subhanallah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à la science. فجعل عالمهم معلم الملائكة. Et il a fait de ses savants celui qui enseigne aux anges. كما قال تعالى يا آدم بهم بأسمائهم. Donc بهم بأسمائهم سورة البقرة verset 33. Soit le Baqara, verset 33. Oh, Adam, donc, montre-leur de leur nom. De leur nom. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, a fait connaître à Adam tous les noms. Donc, informe-les de ces noms. Oh, Adam, informe-les de ces noms. Wa tilka martabatun la martabata fauqaha. Et ceci, donc ça c'est un degré où il n'y a pas de degré au-dessus de ça. Le degré de la science, il n'y a pas au-dessus de cela. Regardez, Adam était plus savant que les anges. وَجَعَلَ جَاهِلَهُمْ بِحَيْثُ لَيَرْضَ الشَّيْطَانُ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ كَمَا قَلَ الشَّيْطَانُ لِجَاهِلِهِمْ أَلَّذِي أَطَاعَهُ فِي الْكُفْرِ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ وَقَالَ. Donc c'est Sourate Al-Hashr, verset 16. Sourate Al-Hashr, verset 16. وَقَالَ لجهلتهم الذين عصوا رسوله إني بريء منكم. Sourate Al-Anfal, verset 48. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, donc regardez comment il a montré, il a fait la différence. Donc on voit par rapport à, il a fait de l'ignorant que même Shaitan n'agrée pas de lui, n'accepte pas de lui, hein. Et que le Shaitan, bien sûr, est quoi? Donc il n'est pas profitable pour Shaitan. Dans le sens où, Shaitan dit à celui qui a obéi. Donc regarde, Shaitan, non seulement il fait désobéir les gens, mais en plus il ne les aime pas. Et en plus on voit qu'il ne les aime pas, parce qu'à la fin il va leur dire « Inni bari minka, je suis innocent de toi ». Et la même chose pour ceux, donc ça c'est pour ceux qui ont obéi dans le kouf. Et aussi il a dit aux ignorants qu'ils ont désobéi au prophète, il leur dit « Je suis innocent de vous, je suis innocent de vous ». « Falillahi ma ashaddaha dat tafawata bayna shakhsain » Enfin subhanallah. Regardez comment on voit que énorme, hein, ou bien que grandes sont les différences entre deux personnes. Ahadihuma tazjudu lahu al-mala'ikatu wa yu'allimuha mimma Allahu 'allamahu wa al-ukhra la yarda ash-shaytanu bihi waliya. Donc regardez encore une fois la comparaison qui fait penser un petit peu à la comparaison avec les anges et les animaux. Il dit que les anges se prosternent pour lui et il leur apprend, parce qu'il leur a appris, hein, de ce que Allah lui a appris. Et l'autre, Shaitan ne veut pas de lui comme allié. Donc les anges, les meilleurs, hein, qu'ils ont un rap et qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils n'ont pas de shahawat, yazudun li Adam. Donc par sa science. Parce que, bien sûr, lors d'Allah Azzawajal, on a bien vu que ça va avoir avec la science. Parce que Allah lui a appris cela. Donc c'est la science. Et l'autre, c'est Shaitan n'accepte pas de ses alliés. Hein, il n'agrée pas de ses alliés. وَهَذَا التَّوَافُتُ الْعَظِيمُ إِنَّمَا حَصَلَ بِالْعِلْمِ وَثَمَرَتِهِ. Et cette différence qui est énorme n'est parvenue que par la science et les fruits de cette science. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ إِلَّا الْقُرْبُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْإِلْتِفَاتُ بِعَالِمِ الْمَلَائِكَةِ والصحبة الأعلى لكفى به فردا وشرفا فكيف عز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. Donc si la science n'avait de bienfait que le fait de se rapprocher de son Seigneur, et le fait aussi, donc le fait que les anges, que les savants donc ont un lien avec les anges, et que aussi aime cela, et le fait que aime cela ceux qui sont proches d'Allah, donc les anges qui sont proches d'Allah, cela était largement suffisant. Cela aurait été suffisant pour dire que la science était bien. Hein? Alors que dire de, c'est-à-dire le fait d'avoir l'Izzah, hein, le fait d'avoir justement l'Izzah dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car l'Izzah, qui est dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est une condition. C'est-à-dire que cette condition, elle va être automatique et obligatoire pour le savant. Le savant, il a l'Izzah. Hein? Allah, bien sûr, a donné l'Izzah à son prophète et aussi aux croyants. Donc Allah, il a donné l'Izzah pour lui-même. Il a l'Izzah pour lui-même. Il a donné au prophète, il a donné aussi aux croyants. Et l'Izzah, elle est justement chez les savants, ceux qui sont c'est-à-dire les croyants, bien sûr, les plus forts, donc les meilleurs croyants. الوجه السبعون شرف العلم وأهله. Le 70e point, l'honorabilité de la science et des gens de science. أن الشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره. Certes, l'honorabilité de ce qu'il y a dans donc la personne, c'est justement donc bien sûr la science que cette personne a. Donc c'est quoi? C'est son cœur, son ouïe et sa vue. Son cœur, son ouïe et sa vue. Voilà ma kana al-qalb huwa mahall al-ilm wa as-sam' wa rasuluhu alladhi ya'tihi bihi wa al-'ayn tali'atuhu kana malikan 'ala sal al-a'dha ya'muruha tam fata'tamiru li'amrihi ويصرفها فتنقاد له طائعة بما خص به من العلم دونها فلذلك كالملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء في الأعضاء. Donc lorsqu'on sait que le cœur est l'emplacement de la science, hein, donc le cœur est l'emplacement de la science et aussi de l'ouïe, hein, et de lui est son envoyé à ce qui va venir. Donc c'est ce qui va envoyer, c'est ce qui va être son envoyé de ce qui va venir. Et l'ain, donc son œil, c'est celui qui regarde, c'est celui qui va être justement, donc celui qui va regarder ces choses-là. Donc une fois que la personne aura ça, aura bien sûr conquis donc son cœur, en fin de compte, sa vue et son ouïe, sera donc lui le roi, c'est lui qui va être le maître de tous ses membres. Si t'as hein, réussi à faire que ton cœur, tes yeux et ton ouïe sont bien, tu es en fin de compte le maître de tous tes membres. Donc il va leur ordonner et ils vont obéir. Et il va bien sûr donc les diriger vers ceux qui vont l'obéir, c'est-à-dire par rapport justement, hein, donc ils vont l'obéir par rapport à ce que l'a spécifié cette science, hein, ce que l'a pu lui donner spécifiquement cette science. Donc il sera donc le possesseur de ses membres et aussi celui qui va gouverner, il va être obéi par ses membres. Hein, il va être obéi par ses membres. Et voilà le savant chez les gens. Donc le savant est de la même façon, le savant est du même niveau. Donc ça c'est comparable au savant chez les personnes, donc comme le cœur qui est bien sûr avec les membres. Les cœurs, le cœur selon les membres, hein, est comparable au savant selon les personnes. ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح مالكها ومطاعها فسادها بفساده كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلح سائر الناس وإذا فسد سائر الناس العلماء والأمراء. Donc يروى هذا مرفوعا عن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس فقال عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. Donc lorsque les membres sont bien, hein, justement parce que celui qui gouverne ses membres et celui qui obéit, il est bien, hein, et ses membres sont mauvais, que si bien sûr ça c'est la situation des gens qui sont avec, bien sûr, leurs savants et leurs gouverneurs. Comme le disent certains salafs, deux catégories de personnes, s'ils sont bien, inchallah, donc ils vont faire du bien à la plupart des personnes. Et s'ils sont mauvais, les personnes seront mauvaises qui sont autour d'eux. C'est les ulama ou al-umara. Les ulama et al-umara. Il suffit de voir, mathan, fil khair, mathan, c'est un exemple qu'on prend, fil saoudia, al-umara ou al-ulama, Yadinul Abidinillah. Donc, ils mettent en application la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que il y a beaucoup de bien dans le Shab. On va retrouver, il y a beaucoup de bien dans le Shab, même si on va voir certains faisettes qui vont être apparents, même si on va entendre des choses. Là, qu'il y a l'asl, on va avoir du bien. On va les retrouver, même ceux qui sont un petit peu, comme on dit, fatigués. Fin Ramadan, ils ne sont pas fatigués. C'est un exemple. On va les voir en Ramadan être hein, des grands adorateurs, des gens qui vont adorer beaucoup. Fil Mounasabat, ou bien dans les choses qui sont sérieuses, ils reviennent facilement. Ou bien, si on leur rappelle, ils reviennent beaucoup plus facilement. Parce qu'ils ont un asl, qui est asil et qui est rasir. Il y a une base qui est solide. Même si il y a des fruits des fois qui sont mauvais, mais il y a quand même certaines bases qui sont solides, avec bien sûr les shahawat qui sont derrière, et pourtant on voit qu'il y a quelque chose. Mais imaginez-vous le fait que, alhamdoulilah, l'umara et l'ulama, ils ordonnent le bien, ils réprouvent le mal, on voit qu'il y a quand même un grand bien, il y a un bien qui est énorme. Il y a un bien qui est énorme. Il suffit de voir que dans n'importe quelle ville, grande ville comme le Riyad, le Medina, Mafan, il y a des dizaines et des dizaines de ulama. Comment ça? Il y a des dizaines et des dizaines de ulama ou de du'at ila akhiri. Ça, c'est une grande ni'ma. Il n'y en a pas un, il y en a des dizaines. Donc, à chaque fois qu'on, il dit Abdallah ibn Mubarak, n'est-ce pas que on fait périr justement la religion, donc les rois, hein, donc certains rois, bien sûr les rois, on sait que ce n'est pas tous les rois, et c'est-à-dire les mauvais savants, dans le sens où, hein, donc les mauvais justement prêtres et moines qu'il y avait à l'époque. Donc ceux qui apprennent la religion aux gens, c'est eux qui font le fasad. Si des gens qui ont l'autorité, comme les ulama et le umara, s'ils faisaient le fasad il se propagerait beaucoup plus facilement, c'est vrai. Et si ils ordonnent le bien, il va quoi? Il va aussi, bi'iznillah, être plus facilement propagé. Parce que c'est eux qui ont justement l'autorité de cela. Voilà ma kana li sam'i wal basari min al idraki ma laysa li ghayriha min al a'dwa kana fi ashrafi juz'i min al insani wa huwa wajhuhu kana min afdali ma fi al insani min al jaza'i wal a'dha'i wal manafi'. Donc lorsque la vue, donc Louis l'a vu, qui voit, justement, qui comprend les choses et qui assimile les choses, donc qui assimile les choses, hein, le fait que la personne voit bien, elle entend bien, elle assimile les choses, c'est pour ça que la partie la plus noble du visage, du corps de l'humain, c'est quoi? C'est le visage. La partie la plus noble du corps de l'humain, c'est justement le visage, de ce qu'il y a. Et aussi, c'est parce que c'est aussi, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dans ce visage qui va être le plus profitable. Ce qu'il y a dans ce visage qui va être justement le plus profitable, hein, pour lui-même et aussi pour les autres. Enfin, si quelqu'un avait beaucoup de science mais qui n'a pas de bras, il reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de science. Mais si il n'avait pas, il n'entendait pas et ne voyait pas, il ne serait pas arrivé à ce résultat d'avoir de la science. Comment il aurait fait? Il n'entend pas, il ne voit pas. Il ne pourrait pas avoir justement cette science. Mais tandis que si il y avait d'autres membres qui étaient absents, qui étaient amputés maintenant, de la jambe ou quoi, ben ça changerait rien à quoi, à sa science. Il n'y aurait pas eu d'influence dans la science. واختلف الناس في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل. Et bien sûr, les ulama ont été en divergence pour dire qu'est-ce qui est meilleur de cela. Donc certains ont dit, d'entre eux, parmi eux, Abu al-Ma'ali, donc il dit, et d'autres disent que Sama, lui, est meilleur. Qalu li'anna bihi tanalu sa'adatu dunya wal akhira. Donc c'est lui qu'elle dit parce que par le biais de cet oui vient, hein, où on arrive à acquérir le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Fa innaha innama tahsulu bi mutaba'ati rusul. Car elle est venue, car c'est par cette oui qu'il y a eu justement le fait le suivi et l'obéissance des prophètes. Wa qabuli risalatihim. Et l'acceptation de leurs messages. Wa bis-sam'i 'urifa dhalika. Et on a connu cela comment? Par sam'a, par l'oui. Fa inna man sam'a lahu la ya'lamu ma ja'u bihi. Car celui qui n'a pas d'ouïe, il ne sait pas de ce qu'il en, de, hein, il ne sait pas de ce qui, c'est-à-dire ce qu'ils ont, avec quoi ils sont venus. Il ne connaît pas avec quoi ils sont venus. Wa aidan fa inna sam'a yudraku bihi ajallu shay'in wa afdaluhu wa huwa kalamullah ta'ala alladhi fadluhu 'ala al-kalami ka fadlillah 'ala khalqihi. Et aussi Certes, donc lui va faire quoi? Donc lui va assimiler ce qui est donc le plus illustre et le plus énorme, et qui est bien sûr la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est meilleure, la parole d'Allah est meilleure que toute parole, hein, est meilleure que toute parole, comme Allah est meilleur que tout le monde. Le fait qu'Allah est meilleur, donc sa parole qui provient de lui, elle est meilleure que toutes les paroles. وأيضاً فإن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخابط ولا يحصل ذلك إلا بالسمع. Donc la science, elle va être connue, c'est-à-dire on va la comprendre ou bien on va mal la comprendre, on va mkhallat, on va mélanger. Cette science-là ne viendra pas que par lui. وأيضاً فإن مدركه أعم من مدرك البصر. Donc aussi parce que l'assimilation de cette science, elle est plus générale que l'assimilation de l'œil. فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الْكُلِّيَّتُ وَالْجُزْئِيَّتُ. Car il va assimiler ce qui est général et ce qui est aussi donc en sous-bassement, c'est-à-dire les furu', juz'iyyat, donc les parties. وَالشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ وَالْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومِ. Et donc il sera témoin de ce qui est présent, donc ce qui est présent, ce qui est absent, et aussi ce qui est donc là, et ce qui est bien sûr invisible, c'est-à-dire ce qui existe, ce qui n'existe pas. وَالْبَصَرُ لَا يُدْرِكُ إِلَّا بَعْدَ مُشَاهَدَاتِ. Et l'œil ne voit que certaines choses, hein, certaines choses qui sont vues devant lui. وَالسَّمْعُ يَسْمَعُ كُلَّ عِلْمٍ. Tandis que l'ouïe entend chaque science. فَأَيْنَ أَحَدُمَا مِنَ الْآخَرِ. Donc, où est l'un par rapport à l'autre? Ça, c'est pour ceux qui défendent. Maintenant, on est en train de parler de quoi? De ceux qui disent que c'est l'œil. D'accord? وَلَوْ فَرَدْنَا شَخْسَنْ أَحَدُهُمَا يَسْمَعُ الْكَلَامَ الرَّسُولِ وَلَا يَرَى شَخْسَهُ وَالْآخَرْ بَصِيرٌ يَرَاهُ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَهُ لِسَمَمِهِ كَانَ سَوَاءً. Si on imaginait deux personnes, l'un d'entre eux entend la parole du prophète, mais il ne voit pas sa personne parce qu'il est aveugle. Et l'autre le voit, mais il ne l'entend pas, sa parole, parce qu'il est sourd. Sont-ils égaux? وَأَيْذَنْ فَفَاقِدُ الْبَصَرْ إِنَّمَا يَفْقَدُ إِدْرَاكَ بَعْدِ الْأُمُورِ جُزْئِيَّةِ الْمُشَاهَدَةِ وَيُمْكِنُهُ مَعْرِفَتُهَا بِالصِّفَّةِ وَلَوْ تَخْرِيبًا وَأَمَّا فَاقِدُ السَّمْعِ فَالَّذِي فَاتَهُ مِنَ الْعِلْمِ لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولا قريبا. Et aussi, ils disent que celui qui n'a pas la vue, celui qui a perdu la vue, donc il a perdu le fait de voir donc certaines choses, certains détails, hein, de ce qu'il va voir. On peut lui faire comprendre, on peut lui faire connaître ces choses-là, hein, par en lui décrivant à peu près comment la chose est. Donc il aura une imagination qui va être, on va dire, rapprochée. Tandis que celui qui a perdu l'ouïe, lui a perdu la science de cette chose-là. Il a perdu la science de cette chose-là, et il n'est pas possible pour lui de quoi, hein, c'est-à-dire de comprendre cette chose-là que par la vue, ni de se rapprocher que par la vue. وَأَيْدًا فَإِنَّ ذَمَ اللَّهِ لِلْكُفَّارِ بِعَدَمِ السَّمْعِ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِنْ ذَمِّهِ لَهُمْ بِعَدَمِ الْبَصَرِ بل إنما يضمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع. Et aussi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala réprimande les mécréants dans le fait qu'ils n'écoutent pas, donc on avait vu que la dernière fois c'était quoi, sam'a. Donc il y avait aussi, hein, le ta'aqul, on avait vu que le sam'a c'était par rapport au fait de comprendre et le fait de répondre. Donc le sam'a, ça, lorsqu'on avait vu que le sam'a c'était un tafahum, ou aussi le tajawub, on avait vu ces deux conditions-là. Donc c'est parce qu'on avait vu que le sam'a était divisé par trois, il était en trois parties. Donc les kofar, lorsqu'ils n'entendent pas, dans le sens où ils ne comprennent pas et ils ne répondent pas à l'appel, Allah les a réprimandés plus que sa réprimande dans le fait qu'ils ne voient pas. Et aussi, donc non seulement ils ont réprimandé dans le fait de ne pas voir, et cette vue est un suivi, et quoi, et en fin de compte, vient après le fait qu'ils n'ont pas de haqq et le fait qu'ils n'ont pas d'ouïe. Donc ils disent qu'ils ne voient pas parce que c'est comme s'ils ne voyaient pas parce qu'ils n'ont pas de haqq, de raisonnement, et parce qu'ils n'ont pas d'ouïe. وَأَيْذَنْ فَإِنَّ الَّذِي يُورِدُهُ السَّمْعُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْعُلُومِ لَيُلْحِقُهُ فِيهِ كلال ولا سامة ولا تعب من كثرته وعظمه الذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بنسبة السمع. Et aussi donc ce que reçoit hein, cette oreille qui rentre dans le cœur donc par rapport à la science. Donc il le reçoit sans fatigue, hein, sans en vérité, sans le fatigue et aussi le fait de donc sans. Donc sans fatigue maintenant. Donc en général c'est ça, c'est sans fatigue, sans aussi le fait de délaissement, sans le fait de dire que je commence à être là, sans lassement plutôt, enfin sans lassement. Même s'il y a beaucoup de choses. Contrairement à l'œil. L'œil, qu'est-ce qui lui vient? Il lui vient, donc il commence à se lasser plus facilement, il faiblit et il s'amoindrit. Donc un œil, il va être plus facilement affecté qu'une oreille. Il est possible même que la personne ait peur que sa vue disparaisse. Hein, le fait qu'il voit très peu. Le fait qu'il voit mal, il va peut-être justement disparaître, alors qu'on sait qu'il veut dire comme quoi qu'il y a plus de maladies ou de gens qui sont aveugles que de gens qui sont enfin sourds. Donc on va terminer pour ce qui est d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.